Bonjour, merci d'être fidèle à l'histoire en vidéo. Nous avons vu en réalité le changement finalement de perception, notamment de la légitimité à la fois royale et de la légitimité familiale dans le cadre du droit de la filiation. En effet, sous Dagobert, l'idée que le fils ne soit pas le fils légitime du roi, fait que celui-ci ne peut pas prétendre à la succession royale, contrairement à tout ce qui avait été finalement observé par les Mérovingiens avant, qui considéraient que, en fait, un fils illégitime pouvait être un roi légitime. Et on peut y voir peut-être une influence et du droit romain et de l'Église. Concernant ce podcast, nous allons nous essayer de répondre à la question: est-ce que Dagobert était un bon ou un mauvais roi? Ceux qui ont tout fait pour donner de Dagobert une bonne image, ce sont les Carolingiens, parce qu'ils voyaient finalement dans Dagobert le dernier grand roi mérovingien comparable à Clovis. Après lui, pour les Mérovingiens, ce sont les rois paresseux. C'est vrai que lorsqu'on voit de plus près la vie de Dagobert, la situation est beaucoup plus nuancée. Et les historiens modernes ne vont pas jusqu'à dire que Dagobert est un roi paresseux, mais apportent quand même certaines nuances. En tout cas, on peut se poser la question si Dagobert a vraiment essayé de faire son métier de roi. Quand on dit un bon roi, la question c'est de savoir il a essayé de faire son métier de roi avec une véritable conscience je dirais, entre guillemets, pour utiliser un anachronisme, une conscience professionnelle. Malheureusement, il est très difficile de répondre à cette question. La réponse varie d'ailleurs en fonction de ceux à qui on s'adresse. On sait que Childebert II, qui avait tenté de centraliser le pouvoir à son profit, par la remarquable décrétion promulguée en 595, était considéré comme un mauvais roi, ne respectant pas les libertés des grands ni des princes de l'Église. Dagobert a souvent été présenté comme un mauvais roi, soit qu'il fût associé à cette époque sombre du Moyen Âge, à cette lignée de Mérovingiens dépravés et polygames, cruels et injustes. Mais ceux qui ont contribué à lui donner surtout une très mauvaise image sont principalement les grands du royaume, à commencer par ceux d'Austrasie, ainsi que le clergé. Contre les grands, en effet, et c'est pour ça que les grands avaient la dent dure contre Dagobert, Dagobert multiplie les mesures pour tenter de saper leur pouvoir. Ainsi, il augmente le nombre des immunistes. Qui sont les immunistes? Ce sont des laïcs ou des clercs qui se voient reconnaître le droit de juger directement les petits délits au nom du roi, sans être contrôlés par un grand ou un comte qui, depuis la décrétion de Clotaire, sont davantage d'ailleurs au service des seigneurs que du roi. Les comtes redeviennent d'ailleurs compétents pour juger des crimes et des délits graves. Mais en dehors des privilèges individuels impliquant des exemptions fiscales, souvent, Dagobert ne peut empêcher l'inflation des impôts seigneuriaux, comme la taille payée par les villageois, afin d'assurer leur protection, le cens, une taxe préfixée payable par les paysans tous les mois, le champart, loyer dû par les fermiers en échange de leurs terres reçues des seigneurs. Dans cette société très inégalitaire, il y a aussi les serfs, qui, bien que dans une situation de quasi-esclavage, puisqu'ils n'ont pas le droit de quitter la terre sur laquelle ils travaillent, doivent payer un impôt spécial au cas où ils veulent se marier à un serf d'une autre seigneurie, le fort mariage. Ils sont soumis à des droits de succession vexatoires, puisque lorsqu'un serf meurt, la majorité de ses biens revient au seigneur, c'est le droit de main morte. De même, le serf doit payer l'impôt de forfuyance s'il veut quitter la seigneurie. À ce titre, le roi est considéré comme un seigneur quelconque, profitant de ce système souvent injuste. Contre l'Église, Dagobert fait un relevé des possessions des couvents et inscrit plus de la moitié d'entre eux sur les registres du fisc royal. S'il est trop tôt pour parler de consentement à l'impôt, un principe fondamental de la fiscalité moderne, Le pouvoir royal tente d'imposer l'idée que l'impôt d'église doit être accepté et par le peuple et par le roi. Il est vrai que le début du 7e siècle correspond à une multiplication aussi des impôts d'église. Du côté de ces dernières, la dîme représente jusqu'à 13% des revenus. Elle est répartie en quatre quarts égaux. 25% pour l'évêque, 25% pour l'entretien des églises, 25% aux pauvres et 25% au rachat des esclaves. L'assiette de la dîme s'étend progressivement aux héritages, la dîme prédiale, aux fruits du travail et de la terre, la dîme mixte, au blé et au vin, la dîme grosse, au pois, fèves et lentilles, la dîme verte, sans compter le casuel qui existe encore, prix réglementé pour la célébration des sacrements et des rites, enterrement, mariage, messe pour un défunt. Ce pouvoir de lever l'impôt, reconnu à l'Église en raison des nombreux services qu'elle rend à la population, la rend aussi impopulaire dans les régions pauvres. La dîme est en effet un impôt proportionnel qui ne prend pas en compte les différences de revenus d'une région à l'autre et elle est souvent fixée au niveau de la province ecclésiastique. On peut penser que si Dagobert a autorisé la fondation de nombreux couvents et abbayes, d'ailleurs, c'est probablement parce qu'il pensait que les couvents étaient de véritables centres de prospérité économique, ce qui était d'ailleurs le cas. Ce sont des gros employeurs, des défricheurs, des éducateurs, des bâtisseurs. Mais aussi, il pensait qu'en délivrant lui-même l'autorisation, il pouvait, dans un même temps, l'inscrire immédiatement sur le registre du fisc royal. Les avantages considérables donnés aux moines de Saint-Denis, lieu où, en raison d'une dévotion personnelle pour l'évêque Saint-Denis, Dagobert voulait y être enterré, n'empêcheront pas le clergé. Peut-être pas les moines de Saint-Denis, mais en général le clergé de son royaume, aussi bien de Neustrie que d'Austrasie, de donner de ce roi l'image d'un homme cupide, avide d'argent et de pouvoir. Son péché capital est d'avoir soumis l'Église à l'impôt, plus que sa vie conjugale qui n'est pas exemplaire. Merci et nous allons continuer et poursuivre dans le prochain podcast sur la question de savoir si Dagobert était un bon ou un mauvais roi. Là, nous avons surtout vu les raisons pour lesquelles on peut penser que Dagobert était un mauvais roi, parce qu'il soumettait l'Église à trop d'impôts et qu'il essayait de rogner le pouvoir des seigneurs. Mais évidemment, c'est un mauvais roi au regard des seigneurs et au regard de l'Église. En quoi est-ce qu'on peut dire, malgré tout, que c'est un bon roi? C'est là le sujet de notre prochain podcast.